la corde, la strato. Tu l'as voulu ? Eh ben, tu l'as eu. Mi, la, ré, sol, si, mi. Et c'est bon. Mais j'ai voulu quoi ? Moi, je veux le... Non. Sharon. Mi. Sors ta guitare, Sharon. Mi. Mi. Mi. Et Sharon. Et allez. Viens. À un. Non. On encourage Bilos. Bilos. Bilos. Bilos. Prends ta strato. Bilos. La strato. Je ne joue plus de guitare. Je préfère un duo Bilos et Phil. Ouais, Bilos, c'est parti. Bilos, Bilos, Bilos, Bilos, Bilos, Bilos. Yes. Putain, mais Bilos, il se fait prier, hein. Mince, Phil, il a dit que tu jouais bien la guitare, alors on va t'écouter. C'est vrai que sur Ninjam, putain, et Sharon, je crois que tu étais là quand il y a eu le number one espagnol flamenco hier. Ah, la place, les gars. Ah, ah, ah. Yes, man! Et voici notre ami Bilos! J'ai la chair de poule qui commence à battre. Oh my god! Attends, je vais couper le son.